Le lendemain, Madame Bougon, c'est ainsi qu'Courfeyrac nommait la vieille portière de la Masure Gorbeau, remarqua que M. Marius sortait encore avec son habit neuf. Il retourna au Luxembourg, mais il ne dépassa point son banc de la moitié de l'allée. Une quinzaine s'écoula ainsi. Marius allait au Luxembourg, non plus pour se promener, mais pour s'y asseoir, toujours à la même place, et sans savoir pourquoi. Arrivé là, il ne remuait plus. Un des derniers jours de la seconde semaine, M. Leblanc et sa fille venaient de quitter leur banc, et tous deux se dirigeaient lentement vers le milieu de l'allée où était Marius. La jeune fille passa, et en passant, elle le regarda. Elle le regarda fixement, avec une douceur pensive qui fit frissonner Marius, de la tête aux pieds. Il se sentait un brasier dans le cerveau. Elle était venue à lui, quelle joie! Et puis, comme elle l'avait regardé, elle lui parut plus belle qu'il ne l'avait encore vue. Belle d'une beauté, tout ensemble féminine et angélique, d'une beauté complète, qui fait chanter Pétrarque et agenouiller Dante. Il la suivit des yeux jusqu'à ce qu'elle eût disparu. Il était éperdument amoureux. Quand la mine est chargée, quand l'incendie est prêt, rien n'est plus simple. Un regard est une étincelle. Ça n'était fait. Marius aimait une femme. Sa destinée entrait dans l'inconnu. Tout un grand mois s'écoula, pendant lequel Marius alla tous les jours au Luxembourg. Il avait fini par s'enhardir. Il s'approchait du banc. Il faut croire pourtant que M. Leblanc finissait par s'apercevoir de quelque chose, car souvent, lorsque Marius arrivait, il se levait et se mettait à marcher. Un soir, à la brune, Marius avait trouvé sur le banc que M. Leblanc et sa fille venaient de quitter un mouchoir, marqué des lettres U, F. U était évidemment le prénom, Ursule. Les jours qui suivirent la trouvaille, il ne se montra plus au Luxembourg que baisant le mouchoir et l'appuyant sur son cœur. La belle enfant n'y comprenait rien et le lui marquait par des signes imperceptibles. « Oh, pudeur !» disait Marius. Un jour, un souffle de vent souleva sa robe, presque jusqu'à la hauteur de la jarretière. Une jambe d'une forme exquise apparut. Marius la vit. Il fut exaspéré et furieux. Hélas, la pauvre enfant n'avait rien fait. Il n'y avait qu'un coupable, le vent. Quand son Ursule, après avoir atteint l'extrémité de l'allée, revint sur ses pas avec M. Leblanc et passa le banc où Marius était assis, Marius lui jeta un regard bourru et féroce. La jeune fille eut ce petit redressement en arrière, accompagné d'un haussement de paupières qui signifie « Eh bien, qu'est-ce qu'il a donc ?» Ce fut là leur première querelle. Il la bouda 3 jours. Il voulut savoir où elle demeurait. Il suivit, entre guillemets, Ursule. Elle demeurait, rue de l'Ouest, à l'endroit de la rue le moins fréquentée, dans une maison neuve à 3 étages, d'apparence modeste. À partir de ce moment, Marius ajouta à son bonheur de la voir au Luxembourg le bonheur de la suivre jusque chez elle. Le jour suivant, personne au Luxembourg. Il se passa 8 jours de la sorte. Le 8e jour, Marius apprend que M. Leblanc et sa fille avaient déménagé.